Sixième cahier. Rentré en France, les fêtes du mariage impérial, je fais les fonctions de sergent instructeur, de chef d'ordinaire, de vaguemestre. Nous partîmes pour la deuxième fois de Schönbrunn. Arrivés dans la Confédération du Rhin, nous fûmes reçus comme dans notre patrie. En France, dans les grandes villes, on venait au-devant de nous. Nous étions reçus dans nos logements avec amitié. Aux portes de Paris, nous trouvâmes un peuple impossible à nombrer, c'est-à-dire c'est à peine si nous pouvions passer par section, tant nous étions pressés par la foule. On nous mena de suite aux Champs-Élysées, devant un repas froid donné par la ville de Paris. Le temps gêna beaucoup, il fallut manger et boire debout, puis partir pour Courbevoie. Cette bonne ville de Paris nous donna un second repas sous les galeries de la Place Royale et la Comédie à la Porte Saint-Martin. Des arcs de triomphe étaient dressés. Le peuple de Paris était ivre de joie de nous revoir. Malheureusement, il en manquait beaucoup à l'appel. Il en était resté un quart sur les champs de bataille d'Essling et de Wagram. Mais personne n'était plus content que moi de rentrer à Paris avec les galons de sergent, de porter l'épée, la canne et les bas de soie l'été. J'étais pourtant bien en peine pour une chose. Je n'avais point de mollet. Il fallut avoir recours au faux mollet. Ça me taquinait. Après un repos de 15 jours dans la belle caserne de Courbevoie, habillés à neuf, nous passâmes la revue de l'empereur aux Tuileries. On faisait des préparatifs pour l'enterrement du maréchal Lannes. 100 000 hommes formaient le cortège du célèbre guerrier, qui partit du Gros Caillou pour se rendre au Panthéon. Je fus du nombre des sous-officiers qui le portèrent. Nous étions 16 pour le descendre de 8 ou 10 degrés sur le côté gauche de l'aile du Panthéon. Là, nous le déposâmes sur des tréteaux. Toute l'armée avait défilé devant les restes de ce bon guerrier. Cela dura jusqu'à minuit. Je repris mon service dans mes fonctions de sous-officier, je m'appliquai à écrire, et un jour étant de garde à Saint-Cloud, je fis un rapport de mes 50 grenadiers, avec tous les noms bien écrits, et le portai moi-même à M. Belcourt, qui fut content de la netteté de mon rapport. « Continuez, me dit-il, vous êtes sauvé. » Que je me donnais de peine pour apprendre ma théorie. Je surpassais mes camarades pour le ton du commandement. Je fus désigné comme ayant la plus forte voix. Je me trouvais heureux avec mon grade de sergent et 43 sous par jour. Ayant des visites indispensables à faire, je me mis sur mon 31. Il me fallut des bas de soie pour porter l'épée. J'ai dit déjà que j'avais passé à Saint-Malo. Je n'avais point de mollet, il fallut avoir recours à des faux. J'allais au Palais Royal pour me les procurer. Je trouvai mon affaire que je payais 18 francs, ce qui me fit une jambe passable, avec une paire de bas fins sur les faux mollets et les bas de soie, en troisième. Je fis les visites de rigueur, et je fus comblé de politesse sur ma bonne tenue. Je rentrai à la caserne le soir à 9 heures, satisfait de ma journée, et je trouvai une lettre de mon capitaine Renard, qui m'invitait pour le dimanche à dîner chez lui, sans faute à 5 heures précises, disant que son épouse et sa demoiselle voulaient me voir pour me remercier d'avoir fait coucher mon capitaine dans un tonneau le soir de la bataille d'Austerlitz. Je me rendis à cette invitation. Je trouvai là des militaires de distinction, des bourgeois et des dames de haut parage. J'étais gêné avec mes supérieurs, tous décorés, et de 6 belles dames avec des plumes, que j'étais petit dans ce beau salon en attendant le dîner. Mon capitaine vint à mon secours, me présenta à son épouse, à ses dames et à ses amis. Je ne me trouvais plus isolé, mais j'étais bien timide. J'aurais préféré ma pension à ce grand dîner. On passa dans la salle à manger, où je fus placé entre 2 belles dames qui n'étaient pas fâchées d'être éloignées de leur mari, et elles me mirent à mon aise en s'occupant de moi. Au second service, la gaieté se fit sur tous les visages, et le vin de champagne fut le complément de la gaieté. Il fallut que mes chefs commençassent à compter leur campagne, et les dames leur disaient « Et vos conquêtes auprès des dames étrangères, vous n'en parlez pas ?»« Eh bien, leur dit leur commandant, je vais vous satisfaire, je suis garçon. » Il fit le portrait des dames de Vienne et de Berlin, toujours en ménageant toutes les convenances qui font le charme de la société. Il fut applaudi. Je fus attaqué par les 2 dames qui étaient près de moi pour conter mon histoire. « Je vous supplie de me faire grâce, mes chefs la connaissent. » « Eh bien, dit le capitaine, je vais vous satisfaire pour lui. Vous verrez que c'est un bon soldat. Il a été décoré le premier aux Invalides. Il nous a empêchés de mourir de faim en Pologne, en dénichant toutes les cachettes des Polonais. Enfin, mesdames, je serais mort sans lui. Je fus confus du témoignage de mon capitaine et comblé d'amitié par tout le monde. Le feu m'avait monté à la figure. J'avais un mouchoir blanc, je le prenais pour m'essuyer et le remettais sans cesse dans ma poche. Ma serviette était fine, par distraction, je m'en essuyais la figure et la mis aussi dans ma poche. À l'heure de rentrer à la caserne, je prends congé. Le capitaine me dit « Vous partez ?»« Oui, capitaine, je suis de garde demain. »« Mais vous viendrez demain. »« Ce n'est pas possible, je suis de garde. » »« Mais vous emportez votre serviette. » Mettant la main dans ma poche, je trouve la serviette et mon mouchoir. Rendant la serviette à mon capitaine, je lui dis « Je croyais être encore en pays ennemi. Vous savez que si on ne prend rien, on croit avoir oublié quelque chose. »« Eh bien, me dit-il, restez là. Je vais envoyer mon domestique à la caserne, et vous passerez la soirée avec nous. » Me montrant sa demoiselle, « Voilà votre dénonciateur qui m'a dit, « Papa, il emporte sa serviette, mais laisse-le faire. » Que j'ai eu du bonheur d'être vu par votre demoiselle. Je rentrai à la caserne des Capucins, près la place Vendôme. Le lendemain matin, je reçus une lettre de Madame X, qui me priait de passer chez elle à 11 heures du matin. Ça me fit monter l'imagination au cerveau. Je pétillais de joie. Je trouvai un camarade qui monta ma garde au quartier. Je me mis sur mon 31 et je pris un cabriolet pour me conduire à l'adresse indiquée. Je puis dire que j'avais des transports d'amour, mon âge le permettait. J'arrive, je me fais annoncer, la femme de chambre me conduit auprès de sa maîtresse, dans un beau salon, où je fus reçu par une des deux dames qui était près de moi chez mon capitaine, et qui était dans un négligé des plus galants. Je ne me possédais pas, allez, dit-elle à sa femme de chambre. Me voyant seul avec cette belle dame, j'étais confus et muet. Elle me prit le bras et me fit passer dans sa chambre à coucher. Il y avait là tous les rafraîchissements désirables, du vin sucré et tous les réconfortants possibles. C'est par là qu'elle débuta avec moi. La conversation s'engagea sur ses intentions à mon égard. Elle me dit qu'elle avait jeté ses vues sur moi, mais qu'elle ne pouvait pas me recevoir chez elle. « Si vous êtes mon fait, je vous donnerai une adresse où nous nous réunirons 3 fois par semaine. Je vais à l'opéra, et sur cette place vous aurez une chambre prête. » En descendant de voiture, j'irai vous rejoindre pour passer la soirée. Je n'y manquerai pas. Faites monter votre garde à tout prix, c'est moi qui paie. Elle me poussait par le vin et le sucre. Je vis par ses manières agaçantes qu'il fallait payer de ma personne, et sautant sur une de ses mains, vous pouvez, lui dis-je, disposer de moi. Me menant vers sa bergère, il fallut donner des preuves de mon savoir-faire. Elle me montra son beau lit qui était garni de glace au plafond et au pourtour. Jamais je n'avais vu de pareille chambre. Elle parut contente de moi. Je passai une journée de délices près de cette belle dame et la quittai pour aller à l'appel. Je tremblais un peu sur mes jambes de la journée orageuse que j'avais passée, mais content de ma belle conquête. Je ne manquais pas le jour indiqué. Je trouvai mon dîner servi par la belle femme de chambre qui resta pour faire la toilette de sa maîtresse et la défaire. Je me mis à table et dînai comme un enfant gâté avec un dîner froid. « Et vous, mademoiselle, vous ne dînez pas ?»« Si, monsieur, après vous, s'il vous plaît. »« Madame est bien contente de vous. Elle va venir de bonne heure prendre le café et passer la soirée avec vous. Dînez bien et buvez de bons coups, c'est du Bordeaux. Voilà du sucre, il sera meilleur. »« Je vous remercie. Je vous préviens que je vais déshabiller madame pour qu'elle soit à son aise, et je reviendrai lui faire sa toilette pour rentrer à l'hôtel. Ça suffit. » Madame arrive à 8 heures et dit, après les civilités données et reçues, « Allez chercher le café. » Nous restâmes seuls. Je vais près d'elle. Eh bien, dit-elle, nous passons la soirée ensemble. Je le sais, madame. Restez à votre place. Le café est servi de suite. Sitôt pris, elle dit, passez dans ce cabinet. Je vous ferai appeler. Je sors et m'assis en attendant mon sort. On vint me dire de passer dans la chambre de madame. Qu'elle m'attendait. Quelle surprise pour moi. Elle était au lit. Allons, me dis-je, je suis pris. Venez vous asseoir dans cette bergère près de moi. « Avez-vous la permission de 24 heures ?»« Oui, madame. » Elle donna ses ordres à la femme de chambre et la congédia jusqu'au lendemain pour nous apporter le café et faire la toilette de sa maîtresse. Moi, je restais dans l'embarras pour me déshabiller. Il me fallait cacher mes maudits faux mollets et mes 3 paires de bas. Que j'étais mal à mon aise. J'aurais voulu éteindre la bougie pour m'en débarrasser. Je les fourrais sous l'oreiller le plus adroitement possible, mais cela m'avait ôté ma gaieté. Le lendemain, pour les remettre, quel supplice! Heureusement, ma belle dame se leva la première pour me sortir d'embarras et passa dans le cabinet avec sa femme de chambre pour faire sa toilette. Je ne perds pas de temps. Je saute à bas du lit pour établir ma toilette et remettre mes 3 paires de bas sans les mettre de travers. ce que je fis pour deux jambes seulement, mais madame ne s'en aperçut pas. Il aurait fallu le perruquier pour établir ma tête. On me fit demander si j'étais levé. « Dites à madame que je puis me présenter près d'elle. Je suis à ses ordres. » Madame paraît belle et fraîche, et nous prenons le chocolat en tête à tête. Après nous être entendus, elle partit avec sa femme de chambre, et je rentrai à la caserne un peu en désordre. Un de mes camarades me dit « Vous avez un bas de travers, on dirait un faux mollet. »« C'est vrai, dis-je un peu confus, je vais m'en défaire de suite. » Rentré dans ma chambre, je me déshabille, et j'ôte les maudits mollets qui m'avaient mis à la torture pendant 24 heures. Je n'en ai jamais porté depuis. Je continuais de voir ma belle et spirituelle dame les jours indiqués, mais la tâche était plus forte que mes forces, et j'avais trouvé mon maître. Il aurait fallu capituler. Elle me donna le moyen de battre en retraite. Je reçus une lettre par laquelle elle désirait connaître mon style. Il fallait que je lui réponde à l'adresse indiquée. Je me trouvais dans un grand embarras, ne sachant que très peu écrire. Enfin, je me décide et fais de mon mieux. Les phrases ne répondaient pas à tous les désirs qu'elle attendait de moi, et elle me fit des reproches mérités sur mon manque d'éducation. « Je n'ai pas trouvé dans votre lettre ce que je désirais, dit-elle. D'abord, point d'orthographe, peu de style. » Je lui répondis de suite. « Madame, je mérite le reproche que vous me faites. Je m'y résigne. Si vous voulez une lettre parfaite, je vous écrirai les 25 lettres de l'alphabet avec tous les points et virgules qu'il faut pour une lettre digne de vous. Placez-les où il en manquera. Vous aurez suppléé à mes faibles moyens. » Je ne voulus jamais la revoir. Les instances furent inutiles. Étant débarrassé de ma belle conquête, je me reportai sur mes écritures et théories sans relâche pendant 6 mois, ne sortant de la caserne que pour monter ma garde, et toujours mon école de bataillon dans ma poche pour apprendre les manœuvres qui concernaient mon grade. Je surmontai toutes les difficultés dans la pratique. L'empereur donna l'ordre de faire manœuvrer les sous-officiers et caporaux seuls, à l'aide de perches représentant les sections. Pour former le peloton, l'homme de section prenait les deux bouts de chaque perche. Pour rompre, le caporal reprenait le bout de sa perche. On nommait cela « manœuvre à la perche ». Elle donnait du repos à tous les grognards. Monsieur Bellecour nous commandait, et on fit des progrès sensibles en arpentant la belle cour de la caserne de Courbevoie. Avec 100 hommes, on faisait des grandes manœuvres, comme un régiment complet. L'empereur nous fit former le carré. Après une manœuvre d'une heure, il fut content et donna l'ordre de ne plus la faire que 2 fois par semaine. Il fallait que tous les sergents et caporaux commandassent. Lorsque ce fut à mon tour, je fus dans la joie de pouvoir montrer à mes supérieurs les progrès que j'avais faits. Ils me suivaient de l'œil pour voir si je me tromperais. Pendant le repos, je fus entouré de tous mes camarades, et mes supérieurs me firent voir qu'ils étaient contents. Mais si l'empereur était content de nous, nous n'étions pas contents de lui. Le bruit circulait dans la garde qu'il divorçait avec son épouse pour prendre une princesse autrichienne en paiement des frais de la Seconde Guerre avec l'empereur d'Autriche, et qu'il voulait avoir un successeur au trône. Pour cela, il fallut renvoyer la femme accomplie, prendre une étrangère qui devait donner la paix générale. L'empereur passait de grandes revues pour se distraire de ses peines. On nous dit que le prince Berthier partait pour Vienne porter le portrait de notre empereur à la princesse pour demander sa main, et qu'il devait se marier avec cette princesse avant de l'amener, et qu'il devait coucher avec elle avant de la présenter à son souverain. N'en sachant pas plus long, je me disais « Il est bien heureux de coucher le premier, je voudrais être à sa place. » Je fis rire mon capitaine. Tout était en mouvement pour recevoir cette nouvelle impératrice. Le 15, toute sa famille la conduisit à une grande distance de Vienne. Elle témoigna des regrets de son chien et de sa perruche. Les ordres furent donnés de suite. Et elle fut bien surprise en arrivant à Saint-Cloud de trouver sa cage, ses oiseaux, son beau chien, qui reconnaissait sa maîtresse, et sa perruche qui la nommait. Notre premier bataillon fut commandé pour attendre à Saint-Cloud l'arrivée de l'empereur. Les courriers arrivés, on nous fit mettre sous les armes. Nous vîmes cette belle voiture attelée de 8 chevaux et l'empereur à côté de sa prétendue. Comme il avait l'air heureux. Ils montèrent Saint-Cloud au petit pas, et nous eûmes le temps de voir passer tous ces beaux équipages. Ils furent mariés civilement à Saint-Cloud. Le lendemain, ils partirent pour faire leur entrée dans la capitale. Nous eûmes l'ordre d'assister à la grande cérémonie du mariage religieux qui fut célébrée le 5 avril dans la chapelle du Louvre. On ne peut pas se faire une idée de tous les préparatifs. dans la grande galerie du Louvre, à partir du vieux Louvre jusqu'à la chapelle qui se trouve au bout du pavillon des Tuileries, du côté du pont royal, ce trajet est immense, il se trouvait trois rangées de banquettes pour asseoir les dames et les messieurs. Au quatrième rang étaient 50 sous-officiers décorés, placés de distance en distance dans des ronds en fer, pour ne pas être heurtés par personne. Le général d'Orsène nous commandait. Lorsqu'il nous eut placés à nos postes, il prévint ces dames que nous étions leurs chevaliers pour leur faire donner des rafraîchissements. Il fallut faire connaissance. Nous en avions 24 de chaque côté de nous, 48 par sous-officier. Et il fallait répondre à leurs demandes. Dans l'épaisseur du gros mur, on avait fait de grandes niches pour placer 96 cantines pour tous les rafraîchissements désirables. Ces petits cafés ambulants firent bonne recette. Voilà le costume des dames. Des robes décolletées par derrière jusqu'au milieu du dos. Et par devant, l'on voyait la moitié de leur poitrine, leurs épaules découvertes, leurs bras nus. Et des colliers, et des bracelets, et des boucles d'oreilles. Ce n'était que rubis, perles et diamants. C'est là qu'il fallait voir des peaux de toutes nuances, des peaux huileuses, des peaux de mulâtresse, des peaux jaunes et des peaux de satin. Les vieilles avaient des salières pour contenir leurs provisions d'odeur. Je puis dire que je n'avais jamais vu de si près les belles dames de Paris, la moitié à découvert. Ça n'est pas beau. Les hommes étaient habillés à la française. Tous le même costume, habit noir, culotte courte, boutons d'acier découpés en diamants. La garniture de leurs habits leur coûtait 1 800 francs. Ils ne pouvaient se présenter à la cour sans ce costume. Les fiacres furent défendus ce jour-là. On ne peut se figurer la quantité de beaux équipages aux abords des Tuileries. La grande cérémonie partit du château pour se rendre au vieux Louvre et monta le grand escalier du Louvre pour se rendre à la chapelle des Tuileries. Que cette cérémonie était imposante! Tout le monde était debout dans le silence le plus religieux. Le cortège marchait lentement. Sitôt passé, le général d'Orsène nous réunit, nous mena à la chapelle et nous fit former le cercle. Nous vîmes l'empereur à droite à genoux sur un coussin garni d'abeilles et son épouse à genoux près de lui pour recevoir la bénédiction. Après avoir placé la couronne sur sa tête et sur celle de son épouse, il se releva et se mit avec elle dans un fauteuil. La messe commença, dite par le pape. Le général nous fit signe de sortir, pour retourner à nos postes, et là nous vîmes revenir la cérémonie. La nouvelle impératrice était belle sous ce beau diadème. Les femmes de nos maréchaux portaient la queue de sa robe qui traînait par terre à 8 ou 10 pas, et elle devait être fière d'avoir de pareilles dames d'honneur à sa suite. Mais on pouvait dire que c'était une belle sultane, que l'empereur avait l'air content, que sa figure était gracieuse. Ce jour-là, c'était des roses, mais ça ne devait pas être la même chose à la Malmaison. Toute la vieille garde était sous les armes pour protéger le cortège, et nous avions tous la fringale de besoin. Nous reçûmes chacun 25 sous et 1 litre de vin. Après les réjouissances, l'empereur partit avec Marie-Louise. Le 1er juin, ils rentrèrent à Paris. La ville leur offrit une fête et un banquet des plus brillants à l'hôtel de ville. Je me trouvai de service pour commander un piquet de 20 hommes dans l'intérieur, en face de cette belle table en fer à cheval, et mes 20 grenadiers, l'arme aux pieds, devant ce banquet servi tout en or et viande froide. Autour du fer à cheval, des fauteuils. Le grand était au milieu qui marquait la place de l'empereur. Le cortège fut annoncé. Le général vint me placer et me donner ses instructions. Le maître des cérémonies annonce l'empereur. Il paraît suivi de son épouse et de 5 têtes couronnées. Je fais porter et présenter les armes. Puis je reçus l'ordre de faire reposer l'arme aux pieds. J'étais devant mon peloton en face de l'empereur. Il se met à table le premier et fait signe de prendre place à ses côtés. Ses têtes couronnées assises, la table est desservie. Tout est enlevé et disparaît. Les découpeurs sont à l'œuvre, dans une pièce à côté. Derrière chaque roi ou reine, 3 valets de pied à 1 pas de distance. Les autres correspondaient avec les découpeurs et passaient les assiettes sans faire plus qu'un demi-tour pour les prendre. Quand l'assiette arrivait au plus près du souverain, le premier valet la présentait. Et si le souverain secouait la tête, l'assiette disparaissait. De suite, une autre la remplaçait. Si la tête ne bougeait pas, le valet plaçait l'assiette devant son maître. Comme ces morceaux étaient bien découpés, chacun prenait son petit pain, le rompait et mordait à même, ne se servait jamais de couteau, et à toutes les bouchées, il se servait de sa serviette pour s'essuyer la bouche. La serviette disparaissait et le valet en glissait une autre. Ainsi de suite, de manière que derrière chaque personne, il y avait un tas de serviettes qui n'arrivaient servies qu'une fois à la bouche. On ne soufflait pas mot. Chacun avait un flacon de vin et d'eau, et personne ne versait à boire à son voisin. Ils mordaient dans leur pain et se versaient à boire à leur gré. Par des signes de tête, on acceptait ou on refusait. Il ne fut permis de parler que lorsque le souverain maître adressa la parole à son voisin. Si c'est imposant, ce n'est pas gai. L'empereur se lève. Je fais porter et présenter les armes, et tous passent dans un grand salon. Je restais près de ce beau service. Le général vint me prendre par le bras. « Sergent, venez avec nous, je vais vous faire boire du vin de l'empereur, et en passant, je ferai donner à vos 20 hommes du vin. Mettez-vous là. Je vais aller faire patienter votre peloton, et je les ferai rafraîchir à leur tour. » Ces 2 verres de vin me firent du bien, et mes grenadiers furent servis, chacun d'un 1/2 litre, qu'ils étaient contents d'avoir bu du vin de l'empereur. Après quelques jours de repos, la vieille garde donna une fête des plus brillantes à l'empereur au Champ de Mars. Toute la cour y prit part. Des manœuvres furent exécutées devant elle, et le soir, au flambeau, on nous donna des cartouches d'artifice de toutes les couleurs. Après avoir fait en l'air des feux de peloton et de bataillon, on nous fit former le carré devant le grand balcon de l'école militaire, où la cour était à nous contempler. Le signal donné, ce carré immense commence son feu de fil en l'air. Jamais on n'avait vu de pareilles corbeilles de fleurs. La garde était couronnée d'étoiles. Tout le monde tapait des mains. Je puis dire que c'était magnifique. L'empereur et toute sa cour partirent pour Saint-Cloud. Là, ils se plaisaient parce qu'il y avait du gibier de toutes les espèces, chevreuils et surtout des gazelles, animal plus fin et plus délicat. L'empereur se plaisait tous les soirs à mener son épouse dans le parterre, de la porte du haut. Je m'y trouvais par hasard. Les voyant paraître, je voulus me retirer. Mais sur un signe de l'empereur, je me mis un peu sur le côté pour les laisser passer. Voilà les gazelles qui arrivent au galop vers leur majesté. Ces animaux sont friands de tabac, et l'empereur avait toujours sa petite boîte toute prête pour les satisfaire. N'étant pas assez prompt pour en donner au premier brocard, celui-ci baisse la tête sous la robe de son épouse et me fait voir du linge bien blanc. L'empereur, furieux, ne se possédait pas. Je me retirais confus. Mais ce souvenir me fait encore plaisir. Ces charmantes bêtes eurent leur pardon, mais ensuite ils venaient seuls leur apporter du tabac. L'empereur donna un bal magnifique. Ce fut lui qui l'ouvrit avec Marie-Louise. Non, jamais on ne put voir homme mieux fait que l'empereur. On pouvait dire de lui que c'était un vrai modèle. Personne ne pouvait l'égaler par les pieds et les mains. Marie-Louise était la plus forte au billard. Elle battait tous les hommes. Mais elle ne craignait pas de s'allonger comme un homme sur le billard quand il le fallait pour donner son coup de queue, et moi toujours l'œil au guet pour voir. Elle était souvent applaudie. Le service de Saint-Cloud était pénible pour nous. Il fallait faire le trajet de Courbevoie à Saint-Cloud, et les chasseurs venaient de Rueil pour nous relever, mais aussi nous étions nourris, et le sergent servit seul. Soupe, bouillie, bon poulet, salade, bouteille de vin. L'officier mangeait à la table des officiers de service. Au mois de septembre 1810, il se fit de grands préparatifs pour Fontainebleau. Le moment de la chasse arrivait, et le premier bataillon dont j'en faisais partie eut l'ordre de partir pour faire le service. L'adjudant-major, M. Belcourt, suivit le bataillon. Nous fûmes casernés et toute la cour arriva avec de belles voitures de chasse. Il y avait 4 berlines avec des chevaux pareils et des chevaux de rechange d'une autre couleur. C'était magnifique à voir. Enfin, l'ordre fut donné à M. Belcourt de commander pour la chasse 12 sous-officiers et caporaux qui seraient dirigés par un garde des chasses et placés par 4 dans les endroits désignés. Arrivés au rendez-vous, on nous plaça à nos postes dans un beau rond bien sablé aboutissant à plusieurs allées, avec une belle tente, une table servie et des valets de pied autour. Toute la cour se mettait à table avant de commencer la chasse. Ce jour-là, on avait apporté des cercles, avec un homme dedans chaque cercle, et autour des cercles des faucons. Marie-Louise prenait un de ces oiseaux et le lançait sur le premier gibier venu. L'oiseau fondait comme la foudre et le rapportait à Marie-Louise. Cette chasse des plus amusantes dura 1 heure. Puis les calèches partirent au galop pour se rendre dans un endroit où des paysans étaient en bataille avec des perches dans un grand enclos rempli de lapins qui ne pouvaient sortir. L'empereur avait beaucoup d'armes chargées. Il donne le signal et les paysans frappent sur les buissons, et des fourmilières de lapins se sauvent, et l'empereur de faire feu. Les coups de fusil ne se faisaient pas attendre. Il dit à ses aides de camp « Allons, messieurs, à votre tour, prenez des armes et amusez-vous » et la terre était couverte de victimes. Il fit appeler les gardes et dit à notre adjudant-major « Faites ramasser ce gibier et donnez un lapin à chaque paysan, quatre à chaque garde. Faites mettre tout le reste dans le fourgon et vous ferez la distribution par compagnie à mes vieux grognards. » Il y en avait plein le fourgon. « Demain, vous les conduirez à la chasse aux sangliers. Vous aurez des vivres et vous serez toute la journée dans la forêt. » L'adjudant-major donna ses ordres et tout partit. Voilà le premier jour de chasse et le bataillon mangea du lapin. Le lendemain arrivent quatre fourgons, un pour les vivres, deux pour les grands chiens russes et un pour mettre les sangliers tout en vie. Avec les piqueurs, les valets de chiens, les gardes-chasse, nous partîmes 50 hommes et notre adjudant-major. Arrivés près du repère, où étaient baugés cette bande de sangliers, on déchargea les voitures et on mit le chien deux par deux, et il y avait un médecin pour panser les chiens blessés dans le terrible combat qui allait s'engager. « Primo, dirent les piqueurs, il faut manger, nous n'aurions pas le temps plus tard. » Et un valet de pied qui sert l'adjudant-major et le médecin, serviette sur le bras. Nous voilà à faire un dîner copieux. Sitôt fini, nous partîmes pour arriver au lancer. Et les valets menaient chacun deux de ces grands et longs chiens.